à toutes et à tous et bienvenue sur Radioactive. Aujourd'hui dans le mag, on vous emmène dans un univers fait de good vibes, de basses puissantes et d'engagement associatif. Je reçois un couple uni par la musique, Ophélie et Jonathan Ferrand, représentant l'association Iron Lion, installée à Possé-sur-Cisse, et bien connue dans la sphère reggae dub locale pour notamment organiser des sound systems. Ils seront le 28 mai du côté du Beer or Not to Beer à Amboise pour une soirée reggae roots dub avec leur système, leur sélection et cette envie toujours présente de faire connaître l'univers reggae aux plus nombreux. Alors bien sûr, on va parler d'eux et puis on vous réserve une petite surprise qui nous met très en joie sur Radioactive à la fin de cette émission. Mais vous allez devoir attendre encore quelques petites minutes. Et pour rythmer cet échange, Ophélie et Jonathan auront sélectionné des morceaux coup de cœur qu'on écoutera aussi en cours d'émission. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Marlène, bonjour à tous. Alors on va démarrer par la question, c'est quoi un sound system reggae dub? C'est quoi la particularité, l'esprit d'un sound system? Je me tourne vers Jonathan. Avec plaisir. Alors, bon, tout simplement, un sound system, c'est l'équipement qui permet de diffuser la musique. Mais si on prend un petit peu plus de latitude, en fait, concrètement, c'est une culture qui est issue de Jamaïque, et notamment des années 50-60 en Jamaïque. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, la musique, elle provenait essentiellement des États-Unis. C'était des labels américains qui diffusaient des disques et qui vendaient leurs disques en Jamaïque. Sauf que la Jamaïque, île à l'époque de 3 millions d'habitants, peu de revenus, ça coûtait cher d'acheter des disques aux États-Unis, et les Jamaïcains se sont dit, bah, on va les produire ici. Et pour la promotion des disques, pour la vente, pour la diffusion, eh ben, ils sont passés par des labels locaux, qui donc pressaient leur propre vinyle, et diffusaient leur vinyle pour en faire la promotion dans les rues directement, par le biais de sound systems. Donc les sound systems, c'était des selecta, donc des DJ, en fait, qui choisissaient des musiques, des disques, des thèmes, et qui les diffusaient dans la rue ou dans des lieux comme les disquaires, par exemple. C'était un peu l'équivalent du bar tabac chez nous. Hein. Tout le monde se rejoignait le matin chez le disquaire, restait toute la journée, discutait de tout, de rien, n'achetait pas forcément de disques, mais au moins était au courant des sorties et des actualités musicales du moment. Et ce côté un petit peu partage, c'est ce qui nous a animé, nous, Iron Lion. Initialement, on a commencé le sound system par la technique, donc fabriquer des amplis, réparer des amplis, fabriquer des enceintes, donc tout notre sound system est fait main. Et l'idée était justement de pouvoir le partager, de pouvoir transmettre justement ces good vibes et de reprendre ces grands principes de la culture du partage musical autour d'événements. Alors toi, Jonathan, tu es le président de l'association. Oui, tout à fait. Et donc, Ophélie, je me tourne vers toi maintenant. C'est quoi ton rôle dans cet asso Iron Lion? Tu t'occupes aussi des sélections, de l'organisation, de la communication, tous les trucs en sion? Alors, mon rôle à moi, c'est tout simplement d'être les petites mains de l'association. Donc, je m'occupe effectivement de l'aspect communication sur les réseaux sociaux. Je m'occupe également de la partie logistique pour les soirées, de mettre en place le matériel avec Jonathan. Et puis officiellement, j'ai le rôle de trésorière, donc j'ai le rôle administratif qui me permet de tenir les comptes et tous les documents officiels de l'association. Et ouais, et ça, c'est pas le rôle le plus facile à tenir. C'est pas le plus drôle. Alors cet asso, Iron Lion, pourquoi ce nom, même si on a quelques idées en tête, évidemment? Alors c'est avant tout un clin d'œil à une chanson de Bob Marley, Iron Lion Zion, qui donc nous a inspiré. C'est aussi la volonté de reprendre les codes de la culture Rastafari et aussi, bien sûr, les codes des sound systems jamaïcains. C'est marrant parce qu'on se balade dans Kingston, là, on y est, là, hein. Vous écoutez parler, c'est vrai qu'on est tout de suite bien plongé dans le bain. Alors, difficile de ne pas évoquer les soirées sound system qui rencontrent des difficultés, du matériel saisi par les forces de l'ordre. Voilà, c'est des choses auxquelles vous pouvez être confronté. Alors, en tant qu'acteur de cette scène, est-ce que tout ça, ça vous inquiète? Oui. En fait, concrètement aussi, on a un objectif militant de notre association. L'association, elle avait commencé initialement par un projet de sound system qui était peut-être un peu plus ouvert à d'autres styles musicaux que le reggae et le dub. Je pense musique électronique notamment. Il faut savoir qu'en France, depuis les années 2000-2004, la loi Mariani sous Sarkozy, les sound systems, quand il y a des événements non déclarés, peuvent être saisis. Le matériel peut être saisi, il y a des amendes qui peuvent être données, sauf que le ton s'est radicalement durci depuis l'époque Covid. La répression est beaucoup plus forte de la part des forces de l'ordre, les événements sont de plus en plus limités. Systématiquement, les préfectures mettent des arrêtés préfectoraux sur le transport de matériel. Et même nous qui avons une association déclarée, sous ces arrêtés, on peut se faire saisir le matériel, on peut avoir des ennuis. Alors globalement, après, le matériel est restitué dans la majorité des cas, puisqu'il y a toujours des failles et des abus. Mais la culture est clairement visée, la culture sound system est clairement visée. Et notre volonté, c'est de la faire perdurer. Donc on essaye au maximum d'officialiser notre action. On essaye de sensibiliser aussi beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a aussi une part de militantisme, parce qu'on est en soutien à tous ces sous-systèmes qui n'ont pas forcément fait le choix de vouloir être déclarés, qui ne font pas forcément le choix de vouloir suivre toutes les règles qui sont imposées aujourd'hui par la culture et qui décident en fait juste de survivre et qui sont confrontés à de la répression, à une répression de plus en plus forte. Et donc nous, aujourd'hui aussi, on souhaite les soutenir et continuer à pouvoir proposer des événements sous-systèmes avec, on l'espère en tout cas, le moins de risques possible pour nous. Et de continuer de faire vivre la culture reggae, ce qui est finalement aussi, on peut le dire, un outil de lien social, voire même presque d'éducation populaire. C'est pour nous une volonté de partage. Notre association, elle tourne autour de cela. On a plusieurs actions qu'on n'a pas listées également. Donc on a bien sûr l'animation de soirée, mais on a aussi la volonté de proposer des ateliers, do it yourself, fabriquer du matériel, des sound systems, apprendre à mixer aussi, tout simplement faire des selectas. Et puis une volonté, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, de partager cette culture reggae autour d'autres outils. Et c'est marrant ça, la radio. Me donne des idées. Voilà. D'accord avec tout ça, Ophélie ? D'accord avec tout ça, effectivement, notre idée, c'est d'être dans le partage, de promouvoir cette culture musicale qui est extrêmement riche de par toutes les années qu'elle balaye et toutes les typologies d'artistes qu'elle regroupe. Donc effectivement, on est vraiment sur cette thématique d'être dans l'échange et le partage à travers nos soirées, l'organisation des ateliers de YY dont parlait Jonathan, et puis aussi une idée assez responsable et solidaire qui est d'être dans la récupération de matériaux, dans la revalorisation de matériaux de seconde main à travers nos amplis, les caissons de basse qu'on va utiliser, etc. Très bien. Alors justement, tu évoques, Ophélie, les soirées. On va revenir sur celle du 28 qui s'approche. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Donc ça va avoir lieu le 28 mai au Beer or Not to Beer à Amboise. Est-ce que vous allez mixer tous les deux ? Est-ce qu'il y aura d'autres intervenants ? À quelle sauce on va être mangé sur cette soirée ? Alors, je serais ravi qu'Ophélie puisse passer derrière les platines et ça sera peut-être pour une prochaine soirée. Je pense que tu n'es pas prête, hein, tu me dis pour le... C'est pas prévu pour tout de suite. D'accord. Donc, en fait, pour répondre à cette question, je vais raconter une soirée, d'ailleurs la dernière soirée qu'on avait fait au Beer or Not to Beer, ça date un petit peu, c'était à l'été dernier. J'étais seul à mixer en partenariat aussi avec les Lera, qui avait animé la seconde partie de soirée. Et après mon set, en fait, j'ai rencontré des personnes du public, des personnes qui étaient présentes, qui étaient très intéressées, curieuses, et elles sont devenues bénévoles de notre association. On a pu apprendre à mixer ensemble. Donc, parmi les deux bénévoles qui nous ont rejoints, Richard et Morgane, Richard s'occupera de la selecta en partie, et Morgane sera présent pour mixer à mes côtés. Donc, pour Iron Lion, on aura donc deux personnes qui seront derrière la scène, et une personne qui sera aussi, on va dire, dans l'ombre pour choisir les morceaux que vous découvrirez, je l'espère, à nos côtés. Donc si ça se trouve, à l'issue de cette soirée du 28, il y aura encore d'autres bénévoles qui vont venir se joindre à cette belle grande aventure. C'est le projet. Sait-on jamais. C'est le projet, effectivement, de faire découvrir un intérêt pour nos missions, notre activité. Et puis, si à travers cette émission, justement, vous aussi, vous avez envie de rejoindre l'aventure parce que le courant musical vous passionne ou parce que, justement, vous voulez participer à ces ateliers de DIY, etc., vous pouvez nous contacter sur notre compte Instagram, nous envoyer un petit DM. Vous nous retrouverez sur Iron Lion Vibes. Et puis, si vous possédez un bar, une guinguette ou d'autres lieux regroupant du public et que ce type de soirée vous intéresse, vous pouvez également aller sur ce même canal pour nous contacter. Génial. Je précise donc Iron Lion tout attaché, Vibes au pluriel, tout est attaché. On a également une adresse mail, Iron Lion Vibes, donc au pluriel, @gmail.com. Alors Jonathan, cette soirée, elle est prévue au Beer or Not to Beer. Tu me disais tout à l'heure, si le temps s'y prête, ben on se met dehors carrément. Alors oui, si la météo est optimale et pour l'instant elle s'annonce bien, on aura le plaisir de pouvoir jouer en extérieur. C'est quand même beaucoup plus sympa pour nous. C'est aussi plus sympa pour le public généralement. Après, si jamais il ne fait pas beau, le Beer or Not to Beer est quand même relativement chaleureux avec un très bel espace intérieur. Donc on travaillera sur l'acoustique la plus, on va dire, la plus optimale possible pour le lieu. Et puis ça sera aussi très bien, même si dehors il fera pas beau. Voilà, c'est possible. Musique, le mot est lancé. On va donc écouter l'un des deux morceaux que vous avez sélectionné aujourd'hui avant de venir nous rejoindre dans le studio de Radioactive. On commence par le premier. Quel est-il et pourquoi ce choix ? Alors, j'ai choisi en premier morceau Truth and Rights de Johnny Osborne. Alors pourquoi ce morceau ? C'est un morceau de Roots qui date de 1979. Il est particulier parce que, en fait, je pense qu'une grande majorité d'auditeurs vont le connaître, notamment pour le sample du début. J'en dis pas plus, hein, vous allez le découvrir. Et c'est un morceau qui est classique du reggae jamaïcain, qui est engagé dans la lutte pour l'acquisition des droits fondamentaux. Et c'est un hymne à la justice sociale, donc obligé de choisir ce morceau pour commencer. Et bien c'est parti, on écoute. Render your art and not your garment. The truth is there for who have eyes to see. Partiality has no place in this judgment. Remember the words of prophecy. Children, run, come to truths and rights. That's what I'm about. You know the truths and rights. Teach it to the children. You know the truths and rights. To the children, but they should know. No, no, no, no. Children, say a little prayer every night before you go to sleep. Cause tomorrow is promised to no one. When you think it's peace and safety, Lord, it could be sudden destruction. Cause we know, yes we know. I am saying to you right now, and for tomorrow, and henceforth I say, render your arts and not your garments. The truth is there for who have eyes to see. Partiality has no place in this judgment. Just remember the words of prophecy. I say, children, run, come, the truths and rights. That's what I'm about. We'll be right back. Truth and Rights, Johnny Osborne sur Radioactive. Vous êtes dans le mag, un mag aujourd'hui qui résonne reggae avec Ophélie et Jonathan Ferrand, représentants de l'association Iron Lion, que l'on retrouvera pour une soirée Sound System le 28 mai. Ce sera au Beer or Not to Beer à Amboise. On n'a pas dit à partir de quelle heure, dis donc ? 19h-23h pour cette soirée. Ah bah voilà, il manquait quand même l'info essentielle. Alors le Beer or Not to Beer, où se trouve-t-il ? Eh bah, zone industrielle de la Boîtardière, en face de Picard, pour ceux qui aiment le surgelé, et pour ceux qui ont besoin de lunettes, en face de chez Chris, parce qu'il paraît qu'il ne faut jamais dire une marque sans en dire une autre. Donc voilà, ça c'est fait. On peut parler de District Center, du coup, et aussi. Et pourquoi pas, Centre Accor, et allons-y, allez. Faisons-nous plaisir. Donc, ce premier morceau, ça nous met bien dans l'ambiance. C'est un des morceaux qu'on pourra entendre, justement. Il est prévu dans notre sélecta. Il est prévu. Je pense que nos chers auditeurs ont reconnu. Mm. Ah, sinon, on donne un indice ou pas ? Oh, bah, on peut. Bon, c'était les Nègres Marrons. Voilà. Bah, c'est même pas un indice alors, du coup. Bah non, parce que là, carrément, tu l'as dit. Mais c'était pas les Nègres Marrons, c'était Johnny Osborne, par contre. Oui, c'est pas faux. Hein ? Avec le début, effectivement, c'est plagiat, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on appelle ça. Disons que c'est une reprise. Mm. C'est une version améliorée, un peu différente. Mm-hmm. Oui, bon, en gros, c'est la même chose. Mm. Pour le sample du début, oui. Bon, c'est pas grave, on leur en veut pas. Hein. On va pas les poursuivre en justice, on s'en fout un peu. Donc, alors, cette soirée du 28 mai, si vous deviez donner des arguments à nos auditeurs pour leur donner envie d'y aller, pourquoi est-ce qu'il faut y aller à cette soirée ? Ah bah parce que ça va être un très très beau moment qu'on va passer ensemble, il y aura de la bonne musique, alors on va y travailler bien sûr nous, Iron Lion, les Lera ont prévu aussi un passage aussi sur du roots, mais essentiellement sur du dub, donc il y en aura pour tous les goûts, ça va être top, la qualité sonore sera au rendez-vous, et puis en plus on va aussi parler du Beer or Not to Beer qui est un très très beau lieu, une belle sélection de bières, plein de choses pour passer une très bonne soirée, ils seront en format after work, donc ils nous réservent aussi des belles surprises, enfin que des bonnes raisons de venir quoi. Alors, deuxième coup de cœur musical, cette fois-ci, c'est pour Ophélie. Alors, qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi ? J'ai choisi de vous partager Purify de Marcus Gad parce qu'on est à la fois sur des origines du reggae roots, mais on part sur un courant qui est plutôt spirituel, sur une chanson qui est plus récente, qui est 2017. Cette chanson, elle évoque finalement une espèce de prière moderne. L'idée, c'est d'appeler à la purification, à un retour à l'essentiel. Parce que le reggae a aussi cette valeur-là de rappeler à l'unité, à l'amour, à la solidarité, au respect de notre environnement et... En tout cas, Marcus Gad, dans cette chanson-là, il va sur une critique des dérives matérialistes de notre système. Il essaie de se remettre un petit peu en cause et d'écouter une musique qui est à la fois méditative et engagée. Et aussi, un artiste qui provient de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est aussi important de mettre le reggae international aussi au devant de la scène. Eh bien, Purify de Marcus Gad, c'est maintenant. On écoute. Like our technology. trees, trod all over the earth, the soil, microbiology, to bring about a new kind of captivity. Control the food and you control the whole of humanity. And I am mine and slowly make your rhythm flow. Nature is the keeper of your body and your soul. Even all of that you'll never truly hope. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. We'll be right back. Spotify, Marcus Gad sur Radioactive, encore et toujours avec Ophélie et Jonathan Ferrand, représentant l'association Iron Lion, installée à Possé-sur-Cisse et qui vous donne rendez-vous le 28 mai au Beer or Not to Beer pour une soirée sound system. Alors on a écouté vos coups de cœur, on apprécie beaucoup sur Radioactive et d'ailleurs on se dit que peut-être on aurait peut-être une surprise à proposer à nos auditeurs. En tout cas, il y a un projet qui nous réjouit énormément. C'est que vous allez prendre le micro chez nous à la rentrée pour animer un créneau reggae dub. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez en tête, comment ça va se passer? Tout à fait, donc on a hâte, on est en plein préparatif. L'idée est de proposer une émission reggae sur l'antenne de Radioactive. Pour l'instant, on est sur un format de Selecta, c'est-à-dire une petite sélection de morceaux qui, on l'espère, fera plaisir à chacun. Et aussi une prise d'antenne pour un format qui serait pour l'instant une fois, je pense, toutes les deux semaines ou une fois par mois. Et puis plus on sera dans l'aisance et plus on viendra régulièrement à l'antenne. Donc c'est une émission qui sera programmée le soir, soit le vendredi, soit le dimanche. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que ce n'est pas moi qui choisis. Et ben, on espère que cette émission et ce format conviendront à tout le monde. Bah nous, en tout cas, on en est certains. Ophélie, c'est une nouvelle qui te réjouit, toi aussi ? C'est une nouvelle qui me réjouit parce que ça va être l'occasion de mettre l'accent sur un de nos projets qui est justement de partager notre musique et toutes les inspirations qu'on peut avoir sur ce courant-là. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer des artistes, des acteurs de la scène locale, éventuellement des labels, parce qu'on a un terrain très fertile en Touraine avec beaucoup d'artistes engagés sur ce courant-là. Ça, c'est des choses dont on a pu parler hors antenne, mais la Touraine, oui, c'est un vivier d'artistes reggae. On a des anciens, Raga Sonic par exemple, qui sont issus d'ici. Et puis on a aussi une scène tourangelle active extrêmement présente. Biga. Hein. Biga, bien sûr. Hein. Tour, pour lui, c'est Kingston-sur-Loire. Hein. Dans chacune interview, il le précise. Donc oui, en effet. Et puis on a aussi des labels comme Brigante, ODG Records. Enfin, on a des pointures quand même sur Tour. Donc on espère réussir à en capter quelques-uns, en inviter dès la rentrée. Voilà. En tout cas, nous, on est certain que ce sera passionnant parce que pour en discuter depuis quelques jours, on va dire ensemble, on voit toute la passion que vous avez pour cette musique et la connaissance, parce que c'est pas le tout d'en parler, mais il faut savoir de quoi on parle. Et pour vous, je pense qu'on est bon. On a pioché les bonnes cartes. En tout cas, un immense merci à vous, Ophélie et Jonathan, pour ce chouette moment passé ensemble. On rappelle aux auditeurs que le rendez-vous, c'est mercredi 28 mai au Beer or Not to Beer pour une grosse session reggae. Et puis à la rentrée sur Radioactive avec une émission 100% Good Vibes également. En attendant, eh bien, on va vous laisser avec la suite des programmes et vous pourrez vous faire plaisir en réécoutant cette émission sur notre page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Merci Jonathan. Merci Marlène. Merci Ophélie. Merci beaucoup. À très vite sur Radioactive.